Ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en pré-vente sur lesamisimaginaires.ca. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. On va commencer peut-être ce soir avec des nouvelles, tiens. Quelques petites nouvelles au sujet de la convention. C'est ceux qui suivent un peu savent qu'on a confirmé Glasshammer pour le 17 mai. Et puis ben, ce soir, ben, je vous confirme Is pour vendredi le 16 mai. Ça va être un retour pour cette formation new-yorkaise qui, je pense que les gens ont un petit crush pour ce groupe qui allie le côté technique et le côté mélodique de façon assez magique, je dirais. Moi, en tout cas, j'adore ce groupe-là. Ils vont être le 16 mai, donc, à la convention, et ils vont venir nous présenter leur nouveau disque qui est, ils espèrent le finir juste à temps. Donc, ce serait le premier spectacle pour présenter leur nouveau disque. Et il y aura un groupe en première partie, mais je peux pas encore vous dire quel sera ce groupe. Donc, une nouvelle confirmation donc pour la convention Terra Incognita. Et puis, en passant, Marc a annoncé la semaine dernière que les billets étaient en vente. C'était pas vrai, mais mais là, je peux vous dire que depuis jeudi, c'est en vente. Il y a déjà 2 rangées qui se sont envolées tout d'un coup. Et c'est ça, vous êtes prévenus, donc si vous voulez pas vous retrouver comme l'année dernière, certains qui m'ont dit « Mon Dieu, j'aurais donc pas dû attendre ». Donc c'est parti, la vente est partie depuis jeudi, et sur Billettech, et puis sur, évidemment, vous pouvez appeler au centre d'art à la billetterie aussi. Donc pour souligner cette petite annonce, on va commencer donc ce soir avec Is, C'est avec ce disque-là que je les ai découverts en 1999, je pense, sauf erreur. Donc, ça fait une mèche. Et ça demeure un de leurs gros canons, là, encore en spectacle. On écoute une pièce de leur premier disque, Sliver of a Sun. Sitting in this asylum, thinking not aloud, looking into walls, there's no way out. It's not the way that I wanted to be confined. Stuck among the spirits who tell me why go on. Come give me a reason to keep on walking here. Come voice make way for reason. I need assurance now. Arguing with myself. Judgment to tell me it's too late. Your epileptic eyes, they are no disguise, 'cause in your mind you lie. Please make way for reason. I need assurance. widely open. Everything shines through the darkness. Flashes of light, sparks that brighten. Life from a dark and silent chasm. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Check it out. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar Coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. À l'approche de la période des fêtes, Bouquinerie Nouvelle Chance, 1595 Canardière à Québec, vous demande de faire preuve de générosité en faisant don de vos livres, CD et vinyles usagés. Les dons les plus modestes nous permettront de poursuivre notre mission sociale. Bouquinerie Nouvelle Chance, une jeune entreprise d'économie sociale à Québec, a besoin de vous pour venir en aide aux gens en difficulté à réintégrer le marché du travail et rendre la lecture plus accessible à tous et à toutes. Bouquinerie Nouvelle Chance, 418-948-3287. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Et nous voilà de retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière, surtout que ça vaut vraiment la peine. On avait la dernière pièce que vous avez entendue, c'était un extrait de The Gate of Tomorrow. The Gates of Tomorrow, la Mascara di Chera. Et l'autre pièce d'avant, c'était la Mascara di Chera encore, Petali di Fuoco. Et c'est pas un hasard si vous avez entendu deux pièces de la Mascara, une après l'autre, comme ça. C'est ma seconde confirmation de la soirée. Comme si vous n'étiez pas là tantôt, ben, j'ai confirmé la présence de Iz à la prochaine convention Terra Incognita, donc le vendredi 16 mai. Et puis, ben, maintenant, je vous confirme que nous allons avoir de la belle visite d'Italie le 18 mai, dimanche. Fabio Souventi, et qui va nous arriver avec un spectacle tout à fait spécial qui s'appelle 20 Years in Music. Et bon, on va avoir un peu de tout, finalement. Il va nous arriver avec un spectacle constitué de pièces de La Mascara di Chera, Hudson Hatton et d'autres projets. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Et il a même monté un groupe spécial pour l'occasion. Il va avoir, entre autres, le saxophoniste de Delirium avec lui, le guitariste de La Mascara, le batteur de Il Tempio. Un beau groupe en plus. Donc, ça promet. Fabio Souventi, c'est ça. En même temps, lui, il vient présenter son premier disque prog solo, parce qu'il en a fait, je pense que c'est son quatrième disque, qui va s'appeler La Quarta Vittima. Et c'est son premier disque solo prog. C'est évidemment le maître du prog italien a fait du prog, mais en solo, ça va être la première fois qu'il va présenter un disque sous son nom et que ça va être du prog. Et il vient nous présenter ça, donc le 18 mai, on est vraiment heureux d'annoncer Fabio Souventi. C'est moi je l'appelle le maître du prog italien. On peut dire un peu que c'est le Rheinstoth italien ou, mon Dieu, le Steve Wilson italien. C'est le genre de musicien qui a son lit dans le studio, et oui. Donc c'est ça, confirmé le 18 mai. Et on va voir, comme je vous disais tantôt, Hudson Hatton, La Mascara di Chera, tous ces projets finalement, là, c'est une foutue de bonne nouvelle. Moi, en tout cas, je suis très content. Et puis, ben, comme je disais tantôt, on a commencé avec Iz, le Sliver of a Sun. Ça aussi, c'est confirmé maintenant, le 16 mai. Et voilà pour les petites nouvelles. Et comme je disais aussi tantôt, les billets sont en vente. Marc n'avait pas raison la semaine dernière, mais moi, là, j'ai raison. C'est vrai. Et c'est en vente dans le réseau Billettech et évidemment à la billetterie du Centre d'art, parce que ça a lieu au Centre d'art comme c'est quasiment une tradition maintenant. J'ose même pas bouger de là parce que la plupart des gens me disent non, pars pas, reste là. Donc, pour la 10e édition, ça va être au Centre d'art une fois de plus. On continue en musique sans plus tarder. Cette fois-ci, on va faire un petit côté du côté de l'Allemagne avec un groupe que je découvre de plus en plus, j'écoute de plus en plus leur disque, le Crystal Palace de System of Heavens. Et, c'est un premier extrait et c'est la première pièce d'ailleurs. Et puis, on a d'autres choses aussi, évidemment. Là, évidemment, on est avec vous jusqu'à minuit, c'est que vous pouvez compter sur nous pour avoir de la bonne musique jusqu'à minuit sans problème. Et quand je dis nous autres, c'est Michel et Bruno. Vous êtes sur les ondes de CKRL-MF et c'est l'émission Terra Incognita. Thank you. vicarious redemption. You better pray and do it well. God is the future. Yeah.

Et monsieur, oui, je pense qu'on... Bruno, on est en train de jaser, nous autres, là, puis on n'écoutait pas la musique. Deux beaux nanos, là. Ben, de retour, Terre Incognita, ben oui, rock progressif jusqu'à minuit. Bon, on vient d'écouter deux groupes américains en ligne. C'était le plus récent, c'était la dernière pièce. C'était Sonus Umbra, du disque Winter Solstice. Groupe, en fait, là, je dis groupe américain. À l'origine, c'est un groupe mexicain, mais vu que il reste plus seulement qu'un membre mexicain, et tous les autres sont des musiciens de Chicago, donc même Louis, le leader, dit « Ben, là, maintenant, je suis comme porté à dire que c'est un groupe américain, et je suis le seul mexicain. » Donc, on peut dire maintenant groupe américain, selon Louis Nasser. Tout juste avant, mais il y avait Fried Pig. Ça nous vient de l'État de New York. Je connais pas l'identité du monsieur claviériste, mais c'est un premier bel essai, franchement, assez surprenant. J'ai vu qu'il reste pas trop loin, c'est sûr que vous pouvez compter sur moi pour peut-être essayer de le convaincre, peut-être pas cette année, là, mais l'année prochaine. Il y a du potentiel. Fried Pig, Return to the Barnyard. Et d'ailleurs, je sais pas, il y a une fixation sur les cochons, là, la pochette est sous le... il y a des cochons partout. Et il s'est fait appeler Fried Pig. Donc, je sais pas, il faudrait qu'on lui demande pourquoi, c'est quoi le lien entre le prog et le cochon. Et je vous reviens dans quelques minutes. Nous, Bruno me fait signe que c'est le temps des publicités, des messages d'intérêt public. C'est Terra Incognita, Michel et Bruno jusqu'à minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 88-692-0118. Écotantique.com. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. We'll be right back. hacia la sombra che nel buio si era persa ed il pianto ne ascoltò. Lei lo guardava incuriosita e il suo angolo di cielo per amore gli donò.

Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico. Voici une histoire de Noël dont vous êtes le héros. Au son des grelots, ajustez la balance de votre radio à droite ou à gauche pour en choisir la fin. Après avoir fêté allègrement, vous désirez rentrer à la maison en sécurité. Vous décidez d'appeler un ami ou l'Opération Nez Rouge. Peu importe le choix, l'important, c'est que votre histoire se termine bien. L'Opération Nez Rouge célèbre ses 30 ans grâce à vous. Faites partie de la tradition en composant le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. CKRL. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1 Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. De retour. On a eu droit à une petite expédition en Italie pendant une demi-heure. C'était, ça va nous faire oublier un peu ce qui s'en vient ici. Unreal City. La Cro Delta d'y a pris, et c'est réalisé par Fabio Souventi. Et oui, je peux quand même le dire encore une fois, Fabio qu'on recevra le 18 mai dans le cadre de la convention Terra Incognita, un concert spécial 20 Years in Music, comme il appelle, avec des pièces de Hudson Hatton, Finistère, La Mascara di Cera et des extraits de son prochain disque solo, qui sera progressif, la Quarta Vittima. C'est pas encore sorti, là. Je pense que ça sort en janvier. Donc, ça me fait toujours plaisir de le dire, Fabio Souventi, à la Convention Terra Incognita, le 18 mai. Les billets sont en vente depuis jeudi. En fait, pour les trois jours, c'est en vente depuis jeudi. Tout juste avant, ça, c'est assez spécial, un groupe. Le nom est assez spécial, Tugs. C'est parfait pour un groupe de punk, mais pour un groupe prog, Tugs. Mais le disque est excellent. Europa Minor. Et ce qui est surprenant avec ce groupe-là, c'est qu'ils sont formés en 78, ils ont composé pas mal, ils se sont séparés et ils reviennent en 2013, 35 ans plus tard, et ils sortent leur premier disque. Donc, Tugs, Europa Minor. Un agréable mélange de folk et de prog typiquement italien des années 70. Là, c'est savoureux, vraiment excellent. Et puis, ben, on avait Il Tempio d'Electricidré avec leur deuxième disque, Alien Natura. Et dernière demi-heure, les amis. On y va sans plus tarder. On va aller faire un petit tour du côté d'un autre pays qui va connaître une meilleure température que nous, Cuba. Anima Mundi de Lamplighter. Hello, this is Steve Babb of Glass Hammer. See you in Quebec City, May 17th. strength to carry on from here. You don't want to see what's real. It hurts too much to lose your faith. Just keep calm and carry on. An unseen hand will be there when you fall. 'Cause we know who you are, and we know. C'est pas bon, ça. Et, monsieur, Airbag, de leur plus récent The Greatest Show on Earth, et c'était la pièce-titre légèrement floydienne, n'est-ce pas? Mais c'est toujours agréable. Tout juste avant, on avait Glasshammer. Dois-je le préciser, qui seront à la Convention Interincognita le 17 mai. Et puis, on avait amorcé le tout avec Anima Mundi, de Lamplighter, leur plus récent disque, un groupe de Cuba, il faut le dire, là, c'est pour courant du prog cubain, et ils ne sont pas dénués de talent. Donc, mais je pense, à ma connaissance, j'en connais seulement un autre, le groupe cubain, que je n'arrive pas à me rappeler le nom, là, mais ça ne doit pas être Légion sur l'île. Et c'est déjà le temps de vous dire bonsoir, à la prochaine. C'est Stéphane qui prend la relève dans quelques instants. Et c'était Michel et Bruno. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. Du 11 au 25 novembre, c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2013 pour la catégorie Choix du public. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite. En laissant votre adresse courriel, vous courez la chance de gagner un chèque cadeau de 25$ de chez Popote, Papote et Potin. Les lauréats seront connus le 29 novembre prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. Voici une histoire de Noël dont vous êtes le héros. Au son des